إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الكفار يفترون الكذب على الإسلام وليس هذا شيئا جديدا بل الكفار كذبوا على رسول على الله وعلى رسول وعلى رسله وعلى المؤمنين منذ بداية الرسالات كلما خرج أعداء الرسل بفرية بعث الله من يردها من العلماء ونسمع هذه الأيام من بعض الاتهامات الباطلة على السلف وعلى السلفية بل على الإسلام والجهاد يقولون بأن السلفية منقسمة إلى أقسام ثلاثة سلفية علمية وجهاد وسلفية سياسية وسلفية جهادية ثم يدعون بأن الإرهاب الذي تقوم به الفئات الخارجية باسم الإسلام بأن هذا هو الجهاد المشروع في الإسلام وأن هذه الفئات المارقة الضالة والمنحرفة بأنها تمثل السلفية وأنها تمثل الإسلام الحق بل بعض زعماء الأحزاب السياسية في الغرب يطلبون منع السلفية والسلفيين لأنهم يعتبرونهم من رواج الإرهاب بزعمهم ومن المؤسف أنهم يعتبرونهم كذلك وبعض المسلمين يسمعون هذه الافتراءات ولا ينكرونها بل ربما يصدقونها أو يعتبرون أن السلفية شيء وأن الإسلام شيء آخر ونسوا أو تناسوا أن السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فاتهام السلفية اتهام للإسلام نفسه إذ لا يوجد إسلام حق إلا إذا كان عن طريق الصحابة والصحابة هم السلف فلا بد أن نعرف أولا أن تقسيم السلفية إلى أقسام أمر باطل ومحدث لأن السلفية السياسية والجهادية هما في الحقيقة من جماعة الإخوان ومن تبعها من الفرق التي تحمل أفكار الخوارج ثانيا إدخال الخوارج الجهاديين في السلفية ليس له مقصود إلا تشويه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بل الصحابة حاربوا أفكار الخوارج بل قاتلوا الخوارج بالعلم والسنان ثالثا العلماء السلفيون منذ زمن الصحابة إلى يومنا يردون على الخوارج ويبينون أن ما يقومون به ليس جهادا شرعيا وإنما هو فساد وتخريب وإرهاب وإليكم بعض كلام العلماء السلفيين المعاصرين في الموضوع. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لأن فيه من يدعي أن هذا التفجير في بلاد المسلمين أنه من الجهاد في سبيل الله، وأن قتل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، وأن تدمير بيوت المسلمين من الجهاد في سبيل الله، بل التفجير في المساجد يعتبرونه من الجهاد في سبيل الله، وأن من ينتحر في هذا فهو شهيد ويعطونه حكم الشهادة، يعني كأنهم ينوبون عن الله ويمنحون الشهادة لمثل هؤلاء، نسأل الله العافية. فلا تستغرب إذ العلماء اهتموا بهذا الجانب وأنكروه وبيّنوا للناس خطر هؤلاء وخطر هذه الأفعال وتغطية هؤلاء الذين يبررون هذه الأمور ويدعون أنها من الجهاد في سبيل الله ومن الدين. وسئل الشيخ: لا يخفى عليكم تأثير أسامة بن لادن على الشباب في العالم، فالسؤال: هل يسوغ لنا أن نصفه أنه من الخوارج، لا سيما أنه يؤيد التفجيرات في بلادنا وغيرها؟ فأجاب الشيخ وقال: كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذه الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. وسئل: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون: لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج. وسئل فضيلته: هناك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول: لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة؟ فأجاب فضيلة الشيخ وقال: نعم، الجهاد ماض بمعنى أنه لم ينسخ، ولكن لا بد أن تتوفر شروطه ومقوماته فهو ماض. أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوهم. أنت معك مثلا سيف أو بندقية، هل تقاتل طائرات وقنابل وصواريخ؟ لا، لأن هذا بأس شديد. وإذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم. قال الله تعالى: فلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فإنك تدافعهم بما تستطيع. وسئل فضيلته: ما تقولون وفقكم الله في جعل التفجيرات والاغتيالات والإضرابات والاعتصامات من باب الجهاد في سبيل الله، ومن السنن المهجورة التي يجب إحياؤها. فأجاب فضيلته: هذا من الافتراء على الله وعلى دينه، نسأل الله العافية والسلامة. فالاغتيالات والتفجيرات والتمرد على الولاة، كل هذا ليس من الإسلام، بل هذا يسبب على المسلمين شرًا وخطرًا كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة. الجهاد بيّنه الله ورسوله، وذلك بأن يجتمع المسلمون تحت إمام واحد يكون لهم شوكة ودولة، ثم يدعون المخالف للرجوع إلى الحق وإلى الصواب، ويدعون الكافر والمرتد إلى الحق والدخول في الإسلام. فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإنهم يجاهدون علانية بأن يتقابل الجيشان، جيش الإيمان وجيش الكفر، ثم تكون النتيجة بعد ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. والغالب أن العاقبة للمتقين إذا صدقوا الله عز وجل ونصروا دينه فإن الله ينصرهم. فالجهاد معلن تحت راية مسلمة وبعد الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحجة. هذا هو الجهاد الذي بيّنه رسول الله بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وصار عليه المسلمون من بعده. فلا يجوز الجهاد إلا تحت راية مسلمة، ويكون القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولم يكن أبداً الجهاد بهذه الأمور، بالاغتيالات وبالخيانات وبالفساد في الأرض وبإتلاف المرافق النافعة ومصادر الثروة، لم يكن الجهاد بهذه الصفة أبداً في تاريخ الإسلام. هذا نسميه بالتخريب والإفساد، ولا نسميه بالجهاد. الجهاد بريء من هذا، لأن هذا لا نتيجة له، بل نتيجته عكسية، ليس له نتيجة في إظهار الدين وإعلاء كلمة الله، وإنما نتيجته تقتيل المسلمين والقضاء عليهم وتشويه الإسلام أمام العالم بأنه دين وحشية وتعطش للدماء ودين حقد إلى غير ذلك من الاتهامات. فما كان في يوم من الأيام الجهاد بهذه الصورة ولا بهذه الصفة، وإنما يقول هذه الأمور من الجهاد أحد رجلين: إما جاهل بالإسلام والجهاد الصحيح، وهذا جاهل لا عبرة بقوله، لا عبرة به ولا بقوله، وإما مغرض يريد القضاء على الإسلام وتشويه الإسلام بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الشيخ في تفسيره في سورة النساء، يؤخذ من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، أن عليه أنواعا من الوعيد والعياذ بالله. أولها أن جزاءه جهنم وهي النار والعياذ بالله، والثاني أن الله غضب عليه، والثالث أن الله لعنه وطرده وأبعده من رحمته، والرابع أن الله قد أعد له العذاب العظيم. فهذه أنواع من الوعيد، سواء قتل مسلما أو قتل معاهدا أو مستأمنا، فإن عليه هذه الأنواع من الوعيد. بل جاء في حق من قتل معاهدا من الكفار: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا مما يدل على أن القتل عمدا عدوانا أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث: ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس الكافر المعاهد والمستأمن، فإن الله حرم دماءهم بالعهود. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام وأنهم يقاتلون الكفار ويسمون أعمالهم جهادا في سبيل الله ويقتلون المعاهدين والمستأمنين، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو من محاربة الله ورسوله ومن السعي في الأرض بالفساد. والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أين هم من الجهاد في سبيل الله؟ وأين هم من احترام دماء المسلمين حينما يفجرون في الحارات وفي العمارات وفي الممرات التي يمر منها المسلم وغير المسلم، وكل من يمر منها ويسكن فيها فإنه معصوم الدم، سواء بالإسلام أو بالعهد والأمان. فكل من في بلاد المسلمين ممن قدموا بأمان من المسلمين وبإذن من المسلمين أو ولي الأمر، فإنهم حرام قتلهم، ولا يكون هذا جهادا، بل يكون هذا من التخريب، علاوة على ما في ذلك من استحلال دماء المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين. فالحمد لله رب العالمين على هذا البيان الواضح من كلام العلماء السلفيين في هذا الزمان، لأنهم بيّنوا الفرق بين الجهاد والإفساد، وبيّنوا أن هذا ليس له أي علاقة بالسلفية ولا بالسلف الصالح، وأن الإسلام بريء من هذه الأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، سئل أحد العلماء الشيخ زيد ابن هادي المدخلي حفظه الله في هذا السؤال. يقول السائل: جزاك الله خيرا، هناك بعض الناس يقول إن التفجير في بلاد أهل الكفر حق مقابلة لما يفعلونه من مجازر المسلمين في فلسطين وغيرها، فما هو الأصل في هذه المسألة؟ فأجاب الشيخ وقال: هذا يقول برأيه الذي لا يدعمه أثارة من علم، لأن بين الدول معاهدات ومواثيق، وكل دولة تأمن جانب الأخرى، فلا يجوز الغدر. الغدر هو الخيانة والكذب، وليس هذا من الجهاد المشروع، بل من الإجرام الممنوع لما يترتب عليه من الضرر، وهذا اعتداء لا يصح وإن كان على كافر، فإنه لا يصح أبدا ولا يسعفه دليل، بل الدول بينها مواثيق ومعاهدات واتفاقيات، فلا يجوز لأحد أن يسلك سبيل الفوضى حتى تنتشر الفوضى في العالم، فتنقلب الأمور تصبح ضررا على المسلمين وعلى غيرهم وعلى البراء من الناس الذين عصم الإسلام دماءهم. وهذا التفجير وهذه الاغتيالات وهذه العمليات الارتجالية الشيطانية ما قامت على أدلة من الكتاب والسنة، بل بحسب مفاهيم خاطئة أخطأ فيها أهلها، فحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم بغير علم ممن جندوهم فأطاعوهم واتبعوهم بغير برهان، بل أقنعوهم بأنهم في جهاد في سبيل الله وكذبوا في ذلك. إنما الجهاد الحق الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه، فهل سلكت الفئة الضالة طريق الجهاد الحق؟ الجواب لا. وهل لهم شيء من السلطة الشرعية؟ الجواب لا سلطة لهم إلا اتباع الهوى وطاعة الشيطان، ففعلوا ما فعلوا من الفساد في سفك الدماء وتدمير الأموال بغيا وحسدا وظلما وعدوانا، فعليهم ما يستحقون من عقوبات أهل الفساد والإجرام. وهذا كلام العلماء السلفيين الذين هم ورثة الأنبياء، وهم المرجع لكل سلفي على وجه الأرض ولكل مسلم يحب السنة. وكل من ادعى السلفية وخالف منهج السلف وخالف عقيدة السلف وعلماء السلفية فالسلفية بريئة منه وليس له أي علاقة بالسلفية، فلا يوجد سلفية جهادية، وإنما هؤلاء هم خوارج في الحقيقة ومبتدعة وضالون وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutbah aujourd'hui est pour clarifier un mensonge qui est attribué à l'islam et une falsification et un mensonge et une tromperie et une imposture de ceux qui accusent l'islam d'être une religion terroriste et qui accusent les salafis de ce genre de choses et qui divisent les salafis en trois catégories. Les salafis djihadistes, comme ils les appellent. Et en réalité, les djihadistes n'ont rien à voir avec ni l'islam, ni la salafia. En réalité, ce sont des khawarij qui ont contredit la croyance et la position des salafs. Et voici quelques explications qui clarifient cela. Premièrement, la salafia est la méthodologie des sahaba pour comprendre l'islam. Et cette méthodologie est globale et elle touche à tous les aspects de l'islam. Et donc, qualifier la salafia d'être djihadiste, ça équivaut à restreindre et à diminuer la globalité et la grandeur de cette compréhension générale de la religion, pour la limiter uniquement à un élément de la religion qui est le djihad. Et en plus, une compréhension et une interprétation du djihad qui contredit les conditions et les principes de l'islam. Et donc, est-ce qu'on va dire, par exemple, à propos de ceux qui font plus de prières et de salawat, qu'ils sont des salafis salatistes, et de ceux qui donnent beaucoup de sadaqat, des salafis sadaqatistes, et de ceux qui donnent la zakat, des salafis zakatistes? Évidemment que non. Alors pourquoi spécifier de façon particulière la salafia comme étant djihadiste? Et les sahaba faisaient la salat et ils faisaient le djihad, le vrai. Alors pourquoi cette restriction? Deuxièmement, la salafia commence avant tout par la aqida, et c'est-à-dire la croyance. Et nul ne peut se dire salafi sans avoir accepté la croyance des salafs, la croyance des sahaba et leur compréhension des fondements de la foi. Or, ces djihadistes, qui n'ont rien à voir avec le djihad, contredisent la croyance des salafs sur plusieurs points fondamentaux. Déjà, ils déclarent kuffar tous les musulmans qui commettent des grands péchés, en particulier les dirigeants et les ulama de l'islam. Et ils rendent leur sang et leurs biens licites. Et ils considèrent qu'ils seront en enfer pour l'éternité dans l'au-delà. Et ils ne distinguent pas entre le kuffr et le shirk majeur et le kufr est le shirk mineur. Et il considère tout kufr comme étant majeur. Et il ne distingue pas entre le fait de faire un péché et le fait de nier son interdiction. Et plutôt, il considère que quiconque commet un péché, il l'a rendu licite et a nié son interdiction. Et ils accusent les salafis d'être des murji'a. Et ils refusent de... Si quelqu'un refuse de déclarer kafir un musulman, il le considère un murji'. Donc ça, c'est pas la aqida des salafs. C'est en contradiction avec la aqida des salafs. Alors comment on peut appeler ces djihadistes salafis? Ça, c'est une falsification. Et de plus, on regarde ce que ces gens-là, qui se font appeler salafis djihadistes, ou bien que les koufars appellent salafis djihadistes, dans le but de salir l'image des salafis et de l'islam, on observe leurs actions et on constate qu'ils ne font que du désordre et du terrorisme au nom de l'islam et au nom du djihad. Or, le djihad, légiféré par la charia, est relié à des règles et des conditions que les salafs ont respectées fidèlement et que les salafs ont clarifiées dans les livres de fiqh. Et parmi ces règles, il y a le fait qu'il n'y a pas de djihad sans l'autorisation du dirigeant et qu'il est interdit de combattre les musulmans et de trahir les ententes de paix avec les non-musulmans. Cependant, les djihadistes n'ont aucun respect pour ces règles. Et ils déclarent mécréants les dirigeants musulmans pour des péchés qu'ils ont commis et les musulmans en général et se permettent de faire des attentats suicides au nom de l'islam. Et quatrièmement, si on regarde tous les savants salafis à notre époque, eh bien tous ces savants ont tous condamné les actes perpétrés par ces soi-disant djihadistes, que ce soit les savants du passé ou de notre époque. En commençant par les grands savants de la salafia, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, le Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin, le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le Cheikh Abdelrazzaq Afifi, le Cheikh Mohamed Aman al-Jami, le Cheikh Hamad al-Ansari, le Cheikh Saleh al-Fawzan, le Cheikh Saleh al-Luhaydan, et le Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et le Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, et le Cheikh Saleh al-Sheikh, et le Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, et le Cheikh Ahmed al-Najmi, et le Cheikh Zayd al-Madkhali, et le Cheikh Ubaid al-Jabiri, et bien d'autres encore. Tous ces savants ont condamné les actes terroristes que ces gens-là ont perpétrés. Et ont clarifié que ceux qui font ce genre d'actes et ce genre de choses sont en réalité sur la méthodologie des Khawarij. Ils n'ont rien à voir avec les salafs, ni avec la salafia, ni avec l'islam, et que ce qu'ils font n'a rien à voir avec le djihad, puisque c'était pas comme ça que le djihad a été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahaba. Et il y a une longue série de fatwas que j'avais préparée pour vous, mais avec le temps qui est limité, je peux pas, malheureusement, toutes vous les expliquer ou les lire, mais inshallah, dans une autre occasion, j'aurai le temps, inshallah, de vous donner des exemples, des fatwas des ulama qui clarifient ces choses-là que j'ai lues dans la khutbah au début en arabe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. Donc dans la khutbah j'ai lu plusieurs fatwas sur le sujet du djihad et le Cheikh Al-Fawzan il a donné plusieurs réponses à ce sujet-là qui clarifie la position des salafis et de Ahl Sunnah sur ces questions-là. Donc, je vais vous les lire seulement, sans rajouter de commentaires. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit dans une de ses fatwas, « Il y a ceux qui prétendent que les attentats à la bombe dans les pays musulmans font partie du djihad dans le sentier d'Allah, et que de tuer les musulmans fait partie du djihad dans le sentier d'Allah, que détruire les maisons des musulmans fait partie du djihad dans le sentier d'Allah. Ils considèrent même que de faire sauter les mosquées fait partie du djihad dans le sentier d'Allah, et que celui qui se suicide en se faisant sauter ainsi est un martyr. Et il lui donne le titre de martyr comme s'il représentait Allah et qu'il pouvait accorder le titre de martyr à ce genre de personnes. Qu'Allah nous épargne. Ne vous étonnez donc pas que les savants se préoccupent de ce domaine, condamnent ce qu'ils font, clarifient pour les gens leur danger et le danger de leurs actes, et démontrent l'erreur de ceux qui font l'apologie de ces choses et prétendent que cela fait partie du djihad dans le sentier d'Allah. Et une autre question a été posée au cheikh, c'est la suivante. Ce n'est pas un secret pour vous que Bin Laden, Oussama Bin Laden, a une certaine influence sur les jeunes dans le monde. Et ça, c'était à l'époque. La question est donc, est-il acceptable pour nous de dire de lui qu'il fait partie des Khawarij, étant donné qu'il défend les attentats à la bombe dans notre pays et ailleurs? Et le cheikh, il a répondu, il a dit, toute personne qui embrasse cette idéologie, y incite à la suivre, est du nombre des Khawarij, peu importe son nom et son lieu. Ceci est donc une règle. Toute personne qui appelle à cette idéologie, c'est-à-dire se révolter contre les dirigeants, le takfir, et de rendre le sang des musulmans licite, est du nombre des Khawarij. Et une autre question a été posée. Est-il nécessaire pour juger que des gens font partie des Khawarij, que toutes les caractéristiques rapportées à leur sujet s'appliquent à eux, leur signe et le rasage des cheveux, et de mépriser votre prière en comparaison à leur prière, et d'autres caractéristiques? Ces caractéristiques doivent-elles obligatoirement être réunies? Et le cheikh, il a répondu, il a dit, fait partie des Khawarij quiconque croit en la aqidah des Khawarij, peu importe qu'ils possèdent toutes leurs caractéristiques ou une partie seulement. Par conséquent, s'ils voient les gens qui ont commis des grands péchés comme étant mécréants et qu'ils croient qu'ils sont éternellement en enfer, alors ceci est la voie des Khawarij. Ou s'ils voient que la révolte contre les dirigeants est légitime, ceci est la voie des Khawarij. Et s'il rend licite le sang des musulmans, il est du nombre des Khawarij. Et s'il réunit entre ces caractéristiques, alors c'est plus grave encore. Une autre question a été posée aussi. Il y a de ces jours-ci des gens qui donnent comme verdict religieux l'obligation du djihad et qui disent le djihad ne nécessite pas de dirigeants ni de bannières. Quelle est l'opinion de votre excellence à ce sujet? Réponse, ceci est l'opinion des Khawarij, tandis que les gens de la Sunna disent il faut obligatoirement une bannière et un dirigeant. Ceci est la voie des musulmans depuis l'époque du messager d'Allah. Donc celui qui donne un verdict religieux qu'on n'a pas besoin de dirigeant ou de bannière, chacun suit sa passion, cela est l'opinion des Khawarij. Et Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé, et il a expliqué aussi dans son tafsir, ou bien ça c'est dans une autre fatwa qu'il a donnée, il dit, le djihad n'a jamais été accompli par des attentats, par des actes de trahison, par le fait de semer le désordre sur la terre, par la destruction des biens publics ou des sources de richesses. Dans toute l'histoire de l'islam, le djihad n'a jamais été de cette manière. Cela doit donc être appelé destruction et désordre, et non pas djihad. Le djihad est innocent de cela, car cela n'a pas de résultat positif. Cela ramène des résultats contraires et n'a pas comme résultat de rendre la religion victorieuse et d'élever la parole d'Allah. Ces résultats ne sont que tuerie, mort de musulmans et l'islam qui est sali devant le monde entier comme étant religion de sauvagerie, assoiffée de sang et de haine, et bien d'autres accusations. Le djihad n'a jamais eu cette apparence ni cette description. Nul ne prétend que ces actes font partie du djihad, excepté une des deux personnes suivantes. Soit un ignorant de l'islam et du vrai djihad, et on ne doit pas tenir compte de l'ignorant ni de sa parole, ou soit une personne mal intentionnée qui veut détruire et salir l'islam de cette manière. Et ça m'a fait penser en particulier à Éric Zemmour en ce moment en France qui accuse l'islam et les musulmans, et en particulier les salafis, de justement être des djihadistes. Et il prétend que ça, c'est la salafia. Et que ceux qui font les attentats terroristes, ils appliquent le vrai sens du djihad, selon lui. Alors ça, c'est de sa part une falsification et une déformation de la réalité. Et Cheikh Al-Fawzan, il réfute également ceux qui prétendent que tuer des non-musulmans au nom du djihad dénonce et clarifie que cela fait partie de la voie des Khawarij. Il dit dans son tafsir de Surat al-Nisa, on peut comprendre au sujet du verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Nisa, le verset 93, quiconque tue intentionnellement un croyant, que celui qui est coupable, que celui qui en est coupable a contre lui plusieurs sortes de menaces. Premièrement, la première, sa rétribution sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, Allah est en colère contre lui. Troisièmement, qu'Allah le maudit et le chasse et l'éloigne de sa miséricorde. Et quatrièmement, qu'Allah a préparé pour lui l'immense châtiment. Ces catégories de menaces sont mentionnées envers celui qui a commis un meurtre, peu importe que la victime du meurtre soit un musulman ou que sa victime soit un non-musulman sous entente ou sous protection des musulmans. Ce qu'on appelle en arabe le mu'ahad et le musta'man. C'est-à-dire les non-musulmans qui sont sous une entente une entente de protection des pays musulmans. C'est-à-dire quand il y a une entente entre les pays musulmans et ces pays non-musulmans, ces citoyens-là de ces pays-là qui sont non-musulmans sont protégés. Sont sous la protection de l'islam et des musulmans. Donc si quelqu'un leur porte atteinte, eh bien il a trahi l'entente des musulmans. Et par conséquent, yani, il a commis un grand crime. Et il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, à propos de celui qui tue un non-musulman qui est sous entente de protection des musulmans, ou qui est sous entente, il dit qu'il quiconque tue un mu'ahad, un non-musulman sous entente, ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ceci indique que de tuer quelqu'un intentionnellement et par trahison, ou par transgression, est un des plus grands péchés parmi les grands péchés, après le shirk avec Allah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant sera toujours en repos dans sa religion tant qu'il ne verse pas du sang sacré. Et Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, le verset 33 dans Surat al-Isra, et sauf en droit, ne tue point, ou ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et la vie qu'Allah a rendue sacrée est celle du croyant et celle du non-musulman sous entente et sous protection des musulmans. Donc le mu'ahad et le musta'man. Car Allah a rendu leur vie sacrée par les ententes entre les pays musulmans et non-musulmans. Donc ceux qui prétendent qu'ils défendent l'islam et qu'ils combattent les kuffars et qui qualifient ce qu'ils font de djihad dans le sentier d'Allah, tandis qu'ils tuent les non-musulmans qui sont sous entente et sous protection des musulmans, cela ne fait pas partie du djihad dans le sentier d'Allah. Ce qu'ils font est plutôt la guerre contre Allah et son messager, et semer le désordre sur terre. Allah le Très-Haut dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, est qu'ils seront tués, c'est-à-dire exécutés, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ça, c'est la punition pour ceux qui font ça, qui font le terrorisme dans l'islam. Et il dit ensuite, le cheikh, la suite du verset, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, c'est-à-dire l'humiliation, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le cheikh il dit ensuite, où sont-ils par rapport au djihad dans le sentier d'Allah? Et où sont-ils par rapport au respect de la vie des musulmans lorsqu'ils font exploser les quartiers, les bâtiments et les passages sur lesquels marchent des musulmans et des non-musulmans? Tous ceux qui y passent et qui y habitent ont des vies qui sont protégées, soit à cause de leur islam ou à cause de l'entente de paix et de protection. Donc tout non-musulman qui sont dans les pays musulmans, avec la protection des musulmans, avec la permission des musulmans ou de leurs dirigeants, il est donc interdit de les tuer, et cela n'est pas un djihad, cela est plutôt de la destruction, en plus de rendre licite le sang des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des khawarij, il déclare les musulmans kuffar et rend licite le sang des musulmans. Et le cheikh Zayd al-Madkhali a dit au sujet des attentats perpétrés dans les pays non musulmans, ce genre d'attaque terroriste ne fait pas partie du djihad légiféré par l'islam, mais cela fait plutôt partie d'actes criminels prohibés par l'islam à cause de leurs conséquences néfastes. Ce genre de transgression n'est pas correct, même si c'est contre des non-musulmans, et cela ne sera jamais correct. Et il n'y a aucune preuve supportant cela. Plutôt, les États ont entre eux des traités, des ententes et des accords. Et il n'est donc pas permis à qui que ce soit d'emprunter le chemin du chaos, de manière que se propage le chaos dans le monde et que les affaires se retournent et deviennent un mal pour les musulmans, les non-musulmans, les innocents et ceux dont l'islam protège la vie. Ces attaques à la bombe, ces assassinats, ces attentats suicides, ces improvisations diaboliques ne sont pas supportées par les preuves du Coran et de la Sunna, mais ceux qui commettent ces actes ont plutôt erré dans leur compréhension. Et donc on voit donc que les grands savants de l'islam et de la salafia parmi les savants condamnent ce que font ces soi-disant djihadistes et se désavouent d'eux. Alors comment ces soi-disant djihadistes pourraient-ils être des salafis, hein? Donc c'était surtout pour réfuter ceux qui prétendent que la salafia est divisée en trois catégories et que les djihadistes font partie d'une des catégories des salafistes. Ça, c'est un grand mensonge, une grande calomnie contre l'islam et la salafia. Et c'est donc important de réfuter ces gens-là. Et eux, ils se basent là-dessus pour dire aujourd'hui, il faut interdire le salafisme, il faut interdire les salafis, ces gens-là sont un danger, je ne sais pas quoi. Alors que c'est les salafis qui condamnent le plus ce genre de choses-là. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.